Oce. Sur le ring avec tous les bim bim en hardcore, ma précision vous fascine. Un jaloux face à moi, j'hallucine. Mes rimes, ma voix sont lucides. Je suis au sommet de l'action, ça part en vrille. Je perds l'équilibre, je dérape, je deviens ill. Un crochet a été décroché, esquivé. Je déclenche, je lui percute. Un gars au final. La foule s'élève et m'acclame dans tous les sens. Je suis ému et comprends pas la chance que j'ai eu. La vie est un combat et on lutte jour et nuit, H24, pour accomplir nos exploits, notre destinée. La vie, tu vois quoi, le combat est le même, ma façon est la même. Je passe et dépasse mes limites aux frontières, il est elle. Notre combat contre la connerie humaine est affolante. Pour 100 personnes là, comprends. Les semaines passent, mon prochain combat approche lentement. Les entraînements et l'acharnement te font atteindre le niveau facilement. L'expérience et l'étude donnée abordablement. Aborder des thèmes, des histoires en raison de mon prochain départ. Ma victoire est assurée face à ces jaloux. Malgré tout, qui essaie de lutter. Je me bats pour le titre, le combat est acharné. Plus que quelques minutes avant l'heure de vérité. La lutte n'en finit plus, la vie nous a séparés. Après ces 5 rondes d'affilée, il a fallu nous départager. Manque de bol, pas fait d'égalité. Le combat est à recommencer. C'est à faire avec plus de rage et de haine pour remporter mon ultime destinée. Ma vie est un combat dur, mon combat est une victoire. Le combat est le même, ma façon est la même. Je passe et dépasse mes limites aux frontières irréelles. Notre combat contre la connerie humaine est affolant. Pour autant personne ne la comprend. Le combat est le même, ma façon est la même. Je passe et dépasse mes limites aux frontières irréelles. Notre combat contre la connerie humaine est affolant. Pour autant personne ne la comprend. Sur le ring, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09